Il est important que le salaire soit égal pour un travail de valeur égale. La loi européenne d'ailleurs, et qui se décline dans chacun de nos pays, définit le fait que des personnes qui occupent des emplois différents peuvent être rémunérées de la même façon parce que leur travail aura la même valeur. Alors c'est quoi cette valeur? C'est tout ce qui apporte chaque emploi. C'est d'abord comment on fait pour l'occuper, quel diplôme on a au départ, quelles techniques on met en œuvre, quelles responsabilités et puis quelles contraintes physiques cet emploi génère. Et donc en fonction de ça, on peut comparer des emplois comme assistante dans le secteur administratif avec des emplois techniques en montrant qu'ils, enfin plutôt elles, ont les mêmes niveaux de diplôme, les mêmes responsabilités, des techniques différentes mais similaires. Et donc, oui, on peut les rémunérer de la même façon. On doit les rémunérer de la même façon. C'est la loi, mais elle n'est pas appliquée. Donc, s'il y a une mesure à mettre en œuvre prochainement, hein, dans l'avenir, c'est la revalorisation de tous ces emplois, de la santé, de l'éducation, de tout ce qui est aide à domicile, hein, la prise en charge des personnes âgées. Ça devient un gisement d'emploi énorme pour l'avenir. Tous ces emplois, si on rajoute aussi le nettoyage et puis les caissières, le commerce, ce sont des emplois qui sont caractérisés par le fait qu'ils sont occupés à plus de 80, parfois 90% de femmes. Et comme par hasard, dans les grilles de rémunération, ces emplois-là sont toujours dévalorisés, systématiquement, parce que pour la société, ça va de soi que ce soit des femmes qui l'occupent, et à quoi bon les payer correctement, puisque somme toute, il y a sûrement monsieur pour participer à la vie du ménage, et donc le salaire de ces femmes, à majorité des femmes, n'est pas vital, ne serait pas vital pour leur vie et leur ménage, ce qui est totalement faux aujourd'hui. Donc pour moi, c'est vraiment cette mesure, la revalorisation des emplois à prédominance féminine, qui est essentielle. S'il y en a une à retenir, c'est celle-là. En plus, il s'agit de revaloriser des emplois qui sont de l'ordre des services publics, des services sociaux vitaux pour une société. Or, on fait tout l'inverse, on les déclasse, on les positionne tout en bas dans l'échelle des valeurs de notre société. Pour moi, c'est l'avenir. Ce sont les vrais emplois que l'on doit revaloriser, reconnaître, y compris symboliquement. Et je suis sûre que si on le fait, du coup, eh bien, il y aura plus d'hommes pour s'orienter vers ces emplois et la mixité sera enfin réelle aussi.